le cristal, le paquet, la chaleur volée, et l'homme au secret, et l'homme au secret. Les irréversibles, pirates, les affranchis, damnés dans l'angle mort de 1984. Dans les mondes finis, il suffit de rester, montrer façade et pattes blanches, donner le change, donner le change. Les irréversibles, pirates, les affranchis, damnés dans l'angle mort de 1984.